Toi alors, dit-il en souriant. Eh bien, on va y aller. Demain matin, sans faute. À 9h, je commande les laissez-passer. La savate, et à 10 heures, après la prière, on part. D'accord? D'accord, dis-je. Et qui sera le troisième? Pourquoi faire le troisième? Tu m'en diras tant, c'est pas pour un pique-nique avec des nanas qu'on s'embarque, et si quelque chose t'arrive, c'est la zone, dis-je, tout doit être en règle. Il sourit un peu, il haussa les épaules. Comme tu veux, tu sais mieux que moi. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and goods, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just done? trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. I threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I'll promise you, I'll promise that I'll run away. Pour sûr que je sais mieux, je vois qu'il voulait me faire plaisir pour que je sois couvert. Le troisième étant trop, on y fera un saut tous les deux, bouche cousue, personne ne saura qui tu es. Seulement, je suis au courant, ceux de l'Institut ne vont pas à deux dans la zone. Leur règle, c'est que deux font le boulot et le troisième regarde, pour qu'après, quand on le demandera, ils puissent tout raconter. Wait. Moi, personnellement, j'aurais pris Austin, dit Kirill, mais je pense que tu n'en voudras pas. Ou bien il te va ? Non, dis-je. Qui tu veux, mais pas lui. Austin, tu le prendras une autre fois. Austin n'est pas un mauvais bougre. Il a la bonne proportion de courage et de couardise, mais à mon avis, il est déjà marqué. Kirill ne pourra pas s'en rendre compte, tandis que moi, je sais. Ce type s'imagine qu'il connaît et comprend tout dans la zone. Ce qui signifie que d'ici peu, il se cassera la gueule. Qu'il se la casse, je n'ai rien contre, mais sans moi. Bon, d'accord, dit Kirill. Et Tender ? Tender, c'est son second préparateur, un gars bien tranquille. C'est qu'il est un peu vieux, dis-je, et puis il a des gosses. Ça ne fait rien, il a déjà été dans la zone. Bien, dis-je, prenons Tender. Bref, Kirill resta assis devant la carte et moi, je cavalais directement au Borch, vu que j'avais envie de bouffer en crever et que ma gorge était toute desséchée. We'll be right back. Je me présente le lendemain matin, comme toujours à 9h. Je montre mon laissez-passer et je vois dans le poste de contrôle cette asperge de sergent à qui j'avais l'année dernière cassé la figure quand, beurré, il avait fait du gringue à Gouta. « Salut, me dit-il. Toi, requin, on te cherche dans tout l'institut. » Là, je l'interrompis, on ne peut plus poliment. « Toi, ne m'appelle pas requin, dis-je, et ne cherche pas à être mon copain, espèce de perche suédoise. » « Mon Dieu, requin, dit-il stupéfait, mais tout le monde t'appelle comme ça. » To fly. Avant d'aller dans la zone, je suis toujours énervé comme une puce et par-dessus le marché, je suis sobre. Alors je le pris par la bandoulière et je lui exposai dans tous les détails ce qu'il était et dans quelles conditions il avait été conçu par sa mère. Il cracha, me rendit mon laissez-passer et dit, ce coup-ci sans tendresse aucune, « Redric Schwartz, vous devez immédiatement vous présenter devant le capitaine Herzog, responsable du département de la sécurité. »« Ça, c'est trop chose, lui dis-je. C'est comme ça qu'il fallait commencer. » Potasse bien les règles, sergent, tu arriveras à être nommé lieutenant. Atomic. Todo mundo diz que Sirius é o primeiro e único, não é? Eu acho melhor a gente confiar nisso. Mais entre-temps, je me dis, qu'est-ce que ça signifie? Quel besoin a de moi le capitaine Herzog aux heures de service? Bon, je vais me présenter. Son bureau se trouve au deuxième étage, un bon bureau avec des grilles aux fenêtres, comme à la police. Lui, Willy, il est assis à sa table, il souffle dans sa pipe et tape des paperasseries sur sa machine. Dans le coin, un petit sergent est en train de fouiller dans l'armoire en fer. C'est un nouveau, je ne le connais pas. Dans notre institut, il y a plus de sergents que dans n'importe quelle division, et tous, ils sont bien en chair, les joues roses avec un teint de lisse. Eux, ils doivent pas aller dans la zone, et les problèmes mondiaux, ils s'en fichent. Something in the way.

Bonjour, dis-je. Vous m'avez demandé ? Willy me regarde comme si j'étais une place vide, repousse la machine à écrire, pose devant lui un énorme dossier et se met à le feuilleter. Redrick Schwartz, dit-il. Tout juste, je réponds, et j'ai tellement envie de rigoler que je ne sais pas comment je tiens. Genre ricanement nerveux. Depuis combien de temps travaillez-vous à l'Institut ? 2 ans. Maintenant, c'est la 3e année. Famille ? Je suis seul, dis-je. Je suis orphelin. Alors, il se tourne vers son petit sergent et lui ordonne d'une voix sévère. Sergent Lemaire, allez aux archives et apportez-moi le dossier numéro 150. Le petit sergent salue et se barre, tandis que Willy referme le dossier et me demande sombrement « Tu recommences ?»« Qu'est-ce que je recommence ?»« Tu le sais très bien, j'ai encore reçu un papier sur toi. » « Nous y voilà, je me dis. Et d'où vient-il ? » Il fronce les sourcils et se met à se taper nerveusement de sa pipe sur le cendrier. « Ça ne te regarde pas, dit-il. Au nom de notre vieille amitié, je te préviens, laisse tomber cette histoire. Laisse-la tomber pour toujours, parce que si on te met le grappin dessus pour la 2e fois, tu ne t'en tireras pas avec 6 mois. En plus, on te foutra à la porte de l'Institut immédiatement et pour toujours, tu comprends ?»« Je comprends, dis-je, ça je le comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est qui est ce fils de pute qui a mouchardé ?» Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that bastard aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly. I spit it feel why. I say buzz. I ain't it's just because I'm a unzipped fly. And I don't know why. And I don't know why. But I say rock tonight. And I say rock it right. And I say but I don't know why. Just don't know why. I'm Mais le voilà de nouveau qui me regarde d'un œil vitreux, en train de souffler dans sa pipe vide et de feuilleter ses papiers. Ce qui signifie que le sergent Lumeur est revenu avec le dossier numéro 150. Merci Schwartz, dit le capitaine Willard Zog, surnommé Gros Lard. C'est tout ce que je voulais savoir, vous pouvez disposer. Faces. Face J'allais au vestiaire, enfilais ma combinaison, allumais une cigarette et tout ce temps me demandais « Mais qui est-ce qui m'a vendu ?» Si c'est quelqu'un de l'Institut, ce sont des bobards, personne ici ne sait rien sur moi et ne peut rien savoir. Si le papier vient de la police, là aussi, que peuvent-ils savoir sur moi à part mes anciennes affaires ? Ou alors Charognard s'est fait piquer. Cette tordure vendrait sa propre mère pour se blanchir. Mais c'est que Charognard non plus, maintenant, ne sait rien sur moi. J'avais beau me creuser la tête, je ne trouvais rien de valable et je me dis « je m'en fous ». La dernière fois, j'étais allé dans la zone 3 mois auparavant, j'avais écoulé presque toute la gratte et il ne me restait pratiquement plus d'argent. On ne m'avait pas pris la main dans le sac. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont me prendre, je leur filerai entre les doigts. Mais au moment où j'étais déjà en train de monter l'escalier, j'eus une soudaine illumination à tel point que je revins au vestiaire, m'assis et allumai une autre cigarette. Il en résultait que je ne devais pas aller dans la zone aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Il en résultait que ces crapauds m'avaient de nouveau à l'œil, qu'ils ne m'avaient pas oublié et que s'ils m'avaient oublié, quelqu'un m'a rappelé à eux. À présent, il importait peu qui c'était. Aucun stalker, à moins d'être complètement maboule, ne s'approchera de la zone, même de loin, s'il sait qu'on le surveille. Je devais me planquer dans le trou le plus sombre. Pour pouvoir dire non, mais de quelle zone parlez-vous? Même avec un laissez-passer, je n'y vais plus depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui vous prend de chercher noise à un honnête préparateur? Share this pain, live or die now. Still we the circumstance here has led the child astray. His candle's fading, the dim light slowly withers. He'll ask for guidance, but I'll just look away. I have nothing more to say. Save the worst excuse, but the best in store. Maybe now we'll finally even the score. Cause this is all I've got now, there's nothing. Yeah, this is all. tout ça, je le cogitais dans tous les sens et j'allais jusqu'à me sentir soulagé de ne plus devoir aller dans la zone. Seulement, comment l'annoncer à Kirill le plus délicatement possible? Je lui dis directement, je ne vais pas dans la zone, quels sont vos ordres? Au début, c'est sûr qu'il écarquilla les yeux, puis visiblement, il pigea quelque chose. Il me prit par le coude, me conduisit dans son bureau minuscule, me fit asseoir à sa table minuscule et s'installa à côté, sur le rebord de la fenêtre. On alluma des cigarettes. Silence. Puis il me le demanda avec une grande prudence. « Il s'est passé quelque chose, Red ?»« Que voulez-vous que je lui dise ?»« Non, dis-je, il ne s'est rien passé. Hier, je me suis fait repasser de 20 billets. » C'est dingue ce qu'il joue bien, ce salaud de Nonan. Attends, dit-il. Tu as changé d'avis ou quoi? Là, je gémis tellement j'étais tendu. Je ne peux pas, lui dis-je entre les dents. Je ne peux pas, tu comprends, je viens d'être convoqué par Herzog. Cats in the cradle, fast asleep, his lungs in ragged tatters. The living will is to mercy kill us. Standing still is to going backwards. We're being fucking dragged there. When the debt is served, tastes like a curse, and the baton swings by default. We don't need a goddamn weatherman to know on whom the rain falls. All the resolve of a dead dog's bite, all the brilliance of a thousand points of light. Swallow your words and try to keep your voice down. Search for a truth, a lie for a lie. But let the bastard spend 10,000 restless nights. Every hair on the back of their necks alive. With the burning glare of grieving mother's eyes. You know short supply. Check the lock, the doors, rats in a cheaply sewn disguise. If you're lucky, they'll let you foot the bill for the mist in your eyes. Big enough, caring, long enough to stick, and we'll swear we're immune to the sting of the whip. Shop the bit of scraps and cast aside. Just one crooked tooth, and lie for a blind eye. We'll let the bastards hang 100 stories high. Stir the shit from the glare of arson light. Those who saw as merely wrongs on which you rise. On the wings of flies. I shall fear no evil. Thanks to King George and his rainbow cabinet, today murder is legal. God, I know that it's wrong to kill my brother for what he hasn't done. And it's a place like in the sky. It sounds like heaven is falling. It sounds like heaven is falling. You promised me a new day at dawning. I see a thousand points of light. Like so many points of hatred, shame and horror. God, I wanna be a man. But I don't wanna die with a rifle in my hand. And it's a place like in the sky. It sounds like heaven is falling. It sounds like heaven is falling. You promised me a new day of dawning. Well, nothing here is new to me. But a scrum of the sun's country, the devil and me. Il se ramollit d'un seul coup. Il eut de nouveau son air malheureux et ses yeux redevinrent ceux d'un caniche malade. Il respira convulsivement, alluma une nouvelle cigarette avec le mégot de la précédente et dit doucement « Tu peux me croire, Red, je n'ai soufflé mot à personne. »« N'en parle pas, dis-je, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. » »« Je n'ai encore rien dit à Tender, je lui ai fait un laissez-passer, mais je ne lui ai même pas demandé s'il voulait y aller ou non. » Je me tais, je fume. Il y a de quoi rire et pleurer à la fois. En voilà un qui ne comprend rien à rien. Et qu'est-ce que t'as dit, Herzog ? Pas grand-chose. Quelqu'un m'a mouchardé, c'est tout. stars for men. stars are starting in with rain. It starts in our books and behind our school gates. Men are scared, women will laugh in their face. Whereas women are scared, it's their lives never take. Mother, fucker. Une jeune femme qui tient la France en haleine par le récit d'une agression imaginaire, des adolescentes qui refusent d'enlever leur voile à l'école, la sécurité sociale en déficit, Montesquieu, Voltaire et Baudelaire détrônant Racine et Corneille dans les textes présentés au baccalauréat, des salariés qui manifestent pour le maintien de leur système de retraite, une grande école qui crée une filière de recrutement parallèle, l'essor de la télé-réalité, le mariage homosexuel et la procréation artificielle. Inutile de chercher ce qui rassemble des événements de nature aussi disparates. Déjà sans philosophe ou sociologue, politiste ou psychanalyste, journaliste ou écrivain, nous ont fourni livre après livre, article après article, émission après émission, la réponse. Tous ces symptômes, disent-ils, traduisent une même maladie. Tous ces effets ont une seule cause. Celle-ci s'appelle démocratie, c'est-à-dire le règne des désirs illimités des individus de la société de masse moderne. In Django's and the measure, unlimited release. Convenience tea, hey. The satin nights are dog shit. The creme de la creme of feet. Of course we're fucking relevant. It's solid and it's sweet. Oh no. Oh no. Oh no. They got the experts in. Oh no. Oh no. Oh no. They let the film stars in. Little slits and asses. Don't want you thinking big. The skinky used in new rock shoes and films and all that shit. By indie documentaries, then highlighting no pain. Some documentaries on Channel 4 are only in it for the fame. We ain't shoeshine boys for fakers. Bingo polls with brick and backers. You've had a record deal for nearly 30 years. What do you know about agencies? Looking for jobs, shit wages, fake memory alone. Don't justify your TV times. Johnny Ramone, Sid, kebab spiders, easy riders and flag tits. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look good. Oh no. Oh no. Oh no. They got the experts in. Oh no. Oh no. Oh no. They let the film stars in. You won't agree to be the king in town. This is for you, Spider-Man. Come to me. Bring Spider-Man to me. Bring him all the way. Just carry him all the way, would you? Be gentle with him. Come to me, Spider-Man, come to me. Spider-Man. Hurry up already, for God's sake. Spider-Man, come over here. Spider-Man. Dance like a sexy bitch. You're like a sex weasel. Do me a favor, Spider-Man. Just drink on the side of the stage till I'm done, and then I'll come find you, if you know what I mean. My spidey sense is tingling, and it's saying, get the fuck off the stage now. From way the fuck back there all the way here, and he's gonna make it all the way onto my bus. Are you ready to cut loose? Everyone up on each other's shoulders, let's cut loose, shall we? Are you ready? Are you ready?